à la tasse. Quand le rap coulera et qu'il ramènera à la base. Quand il sera perdu, on verra qui l'a suivi à la trace. Qu'il ramènera à la DAS. Quand il n'y aura plus de génération à sacrifier comme parent qui en assumera la garde. Tout ça pour garde, j'emmène un produit local. Et j'en connais beaucoup qui finiront la tête dans le bocal. Trop de tocards qui veulent cela jouer. Criminel vocal à brandir une rage qui n'est plus à croire qu'ils sont dans le noir total. Je vais grimper le comptage, juste jouer sur le contrat. Sans contrat, balayer du décor, c'est trop tout, c'est trop sale. Ceux qui se prennent pour Batman en se voyant de Gotham. Ceux qui se disent être artistes mais n'endossent que le rôle de comptable. Appelle-moi l'indomptable type qui ne fait pas dans la dentelle. Seul entendez-moi une équipe, j'explose, elle une tempête. Posons mon poing sur la table, je me tempère. Même si j'entends dire que je devrais arrêter le rap car j'approche de la trentaine. C'est juste une empreinte, le rap n'est pas une contrainte. Et comme y'a pas de règles, je peux pas dire que je suis là pour les enfreindre. Voilà, hé. Là je vais finir. Attends. J'arrive à bout de nerfs pour des coups sévères. Pour les fous j'élève la barre. T'assiste à toutes mes fâches LP mon blague pour tous les nas qui passent. Ceux qui verraient chez le pi. Alors sans commentaire la arme me confère la force sur ce son. Où les deux voix sont complémentaires. Tu sais, les MC de moi sont mortels. J'rappe et t'es mortgage. Rap c'est l'arrêt de mort. MC pour toi c'est la morgue. J'ai l'arrêt de plaire. Un être usant rap sur instrument. Le produit je dirige l'offensif vers des dirigeants. J'rappe et si tu jactes c'est que t'as mal saisi ma partition. J'rappe les MC chope la maladie de Parkinson. J'élabore un concept dangereux comme le cancer. On récolte ce qu'on sait, mais la nuit porte de bons conseils. L'embarcation est prête au départ. En sous-marin on tape chacun son poste. Tu me cherches, je suis au sonar. Pas de secours dans ce bâtiment. Choisis ton camp, soit tu montes, soit tu restes là. Et moi en ce moment, un air de mer sur le continent. Torpille dans les bacs, esprit en béton, façonné au ciment. Prends à ta mère qui te dit verbe de ton chef d'état. En France, y'a aussi des mythes, tout le monde s'appelle pas Armand. On va sortir l'armada, c'est la guerre aux fachos. On part en éclaireur car le DJ est fâcheux. Je vais imiter le drapeau. Ceux qui marchent pas en crap, sauteront tous comme des crapauds. On vit dans le grave de rime, frappe les pins. À notre façon, on traque les lignes. Embrasse les tirs, car t'achètes le pied juste pour braquer les vides. Appelez l'équipe. Prenez un petit pas dans le vide. Voilà trois flots précis comme le tireur derrière sa vitre. On franchit la limite du possible, on s'illumine. Si nos rimes s'étalent, c'est qu'on aime les mots et leurs synonymes. Style au pire. Et voilà qu'est-ce si notre fille parle de même. On se démène pour donner du style au kiff. Yeah yeah, bien l'équipe, voilà, bien. Voilà mon morceau là, t'as vu, je viens envoyer ça. Yes yes, merci tata, bonjour la famille. Je suis merci bien, t'as vu. Eh tata, t'as vu, t'appelles tout le monde dans mon là. C'est là, on va tout faire. C'est ça, esprit en béton et ville en papier, t'inquiète.